50 languages. 87. 87. 87. صيغة الماضي للأفعال. الوصف للحال. واحد. Passer des modaux. Un. Passer des modaux. Un. كان علينا سقي الأزهار. Nous devions arroser les fleurs. Nous devions arroser les fleurs. كان علينا ترتيب الشقة. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions ranger l'appartement. كان علينا غسل الأطباق. Nous devions laver la vaisselle. Nous devions laver la vaisselle. هل توجب عليكم دفع الحساب؟ Vous deviez payer la facture. Vous deviez payer la facture. هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟ Vous deviez payer l'entrée. Vous deviez payer l'entrée. هل كان عليكم دفع غرامة؟ Vous deviez payer l'amende. Vous deviez payer l'amende. من اضطر أن يودع؟ Qui devait dire adieu? Qui devait dire adieu? من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟ Qui devait aller à la maison de bonne heure? Qui devait aller à la maison de bonne heure? من اضطر لأخذ القطار؟ Qui devait prendre le train? Qui devait prendre le train? لم نرغب في البقاء طويلا. Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions pas rester longtemps. لم نرد أن نشرب شيئا. Nous ne voulions rien boire. Nous ne voulions rien boire. لم نرد أن نزعج أحدا. Nous ne voulions pas déranger. Nous ne voulions pas déranger. كنت أريد الاتصال بالهاتف. Je voulais juste téléphoner. Je voulais juste téléphoner. كنت أريد طلب سيارة أجرة. Je voulais commander un taxi. Je voulais commander un taxi. كنت أريد الذهاب إلى البيت. En fait, je voulais rentrer à la maison. En fait, je voulais rentrer à la maison. ظننت أنك ستتصل بزوجتك. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. ظننت أنك ستطلب بيتزا. Je pensais que tu voulais commander une pizza. Je pensais que tu voulais commander une pizza.